pari clair. Moi pas que d'amour, moi surveillé, c'est ça qui fait que moi pas j'en condamne. Moi gagne un petit ménage, tiré les maris clair. Moi pas que d'amour, moi surveillé, c'est ça qui fait que moi pas j'en condamne. Ménage la belle en forme. Elle a marché dans la rue, mon capable d'aller bébé capoulé. Monsieur Fantawessa, ménage la belle en forme. Elle a marché dans la rue, mon capable d'aller bébé capoulé. Maman son bien grand monde, et une mauvaise manière. Moi pas faire les confiance, puis retourner c'est la mer. Grand monde remet du tabac, grand monde remet du café. Grand monde remet mon pétel. A chercher pour la caméra. Marie-Claire chérie, oui j'en connais maman et même. Aïe Marie-Claire changer l'autre femme et Marie-Claire. Faites après la colère, soit dans le cachet ensemble. Maman, on te remet, moi, papa, on te bien content. Toute femme, on vient à cette moi. Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, mais Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie, Marie-Claire, Marie. Paris.